Pleure pas, Lola, pleure pas. Le temps s'en va, sans toi, sans moi. Le temps s'en va sans nous, le temps s'en va, c'est tout. Pleure pas, Lola, pleure pas. Pense à tes jours heureux, multiplie-les par deux. Et oublie les mauvais, toujours vaut jamais. Pleure pas, Lola, pleure pas. Une heure idée alors, c'est de l'or sur de l'or. Elle ajoute à tes yeux du tendre et du bleu. Pleure pas, Lola, pleure pas. Le temps s'en va, sans toi, sans moi. Le temps s'en va, sans nous. Le temps s'en va, c'est tout. Pleure pas, Lola, pleure pas. Une ride et puis quoi? T'es la seule qui la voit. Coup de crayon luttant, plus belle autrement. Pleure pas, Lola, pleure pas. Pense au jour qu'on aura, multiplie-les par trois. Tu sais, à l'âge que j'ai, toujours vaut jamais. Pleure pas, Lola, pleure pas. Le temps s'en va, sans toi, sans moi. Le temps s'en va, sans nous. Le temps s'en va, c'est tout. Pleure pas, Lola, pleure pas. Pleure pas.